Un moment d'entretien indispensable pour vous soustraire à l'esclavage où vous aviez tombé. Alador. Je puis monter à votre jalousie. Et quant à la lettre que j'ai reçue de vous ce matin, je me suis vu forcé... Je ne m'étais pas trompé. Tout est brisé, fracassé. Oh, voyez le grand malheur pour tant de trains. On ne voit que sur l'escalier. Moi, en montant, j'ai accroché une clé. On prend garde à ce qu'on fait, accrocher une clé. L'habile homme. Ma foi, monsieur, cherchez-en un plus subtil.